c'est quelque chose qui est très rapide. Et ça, quand vous faites l'expérience vous-même, en debout statique et vous allez vous mettre à marcher. Et en fait, cette extension d'orteil a pour intérêt de faire reculer le centre de pression podale. Donc il va passer derrière le centre de gravité. Cette extension des dedos va permettre. Il va passer derrière le centre de gravité. Le centre de pression podale. Va permettre le centre de pression podale passer détrace vers le centre de gravité. D'accord. Et parce que le centre de gravité se trouve devant le centre de pression podale, à ce moment-là, il y a un déséquilibre antérieur qui apparaît, et c'est ça qui enclenche la marche. Porque el centro de gravedad se va a encontrar delante del centro de presión podal, va a crear un desequilibrio y vamos a empezar a andar. Donc c'est ce qu'on observe ici. Es lo que vemos aquí. Donc, l'étude a été poussée aussi plus loin pour voir ce qui se passait lorsque, en fait, on enclenche la marche à différentes vitesses. Donc, si on analyse exactement la courbe, on voit ce qui se passe. D'accord ? Donc là, on est sur point 0. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a un petit décalage sur la gauche avant d'aller sur la droite. D'accord. Donc, en fait, on va enclencher un petit mouvement vers le pied que l'on va lever. Vamos a empezar a desplazar el punto cero del lado del pie que vamos a levantar. D'accord. Ça c'est le pied qui va se lever. Entonces aquí es el pie izquierdo que va a empezar a levantarse. Entonces el punto cero se desplaza levemente hacia la izquierda. Donc, on voit qu'en fait, on a ce recul du centre de pression podale. Ahí vemos que tenemos ese retraso, bueno, que el centro de pression podale se va para atrás. D'accord, avec un déplacement en fait vers le pied qui va être le pied d'appui. Y que va a ser un desplazamiento hacia el pied que va a ser el pied d'appui. D'accord, là, notre centre de gravité se trouve devant le centre de pression podale, donc ça crée le déséquilibre et ça entraîne l'accélération linéaire vers l'avant. El centro de gravedad se va a encontrar delante del centro de presión polar. Vamos a crear el desequilibrio y vamos a ir para adelante. D'accord. Donc maintenant, si on veut faire un démarrage lent, ben, le recul va être moins important que si on veut faire un démarrage rapide. Si queremos hacer si queremos empezar a andar lentamente, va a ir menos atrás el punto de presión. Bueno, cuanto más rápido vamos, más atrás va el punto de presión. Pourquoi? Parce que plus mon décalage entre mon centre de pression podale et mon centre de gravité sera grand, plus mon déséquilibre sera important, plus j'aurai de vitesse. Quanto más importante est la différence entre le centre de pression et le centre de gravité est grande, plus déséquilibre va y avoir, et donc plus rapide on va commencer à andar. Entendu? Pregunta ou non? Si, que lo vuelva a explicar. Il a eu un point d'alente et un point d'alente. Alors, on va répéter. D'accord. On va se préoccuper juste de la vitesse du recul. C'est surtout ça qui est important. D'accord. Es el centro de presión podal que hace el trabajo y siempre va buscando el centro de gravedad. D'accord. Donc, si le centre de gravité avance, le centre de pression caudale va avancer pour passer devant de façon à le faire reculer. Si le centre de gravité va pas là, le centre de pression va avancer. Il va le dépasser. Le centre de pression caudale dépasse le centre de gravité. Le centre de pression caudale va absorber, va le dépasser. Ir más allá del centro de presión caudal. Parce qu'il l'a dépassé, le centre de gravité va partir. Porque lo ha pasado más allá, el centro de gravedad se va a ir hacia atrás. Y la leçon de presión caudal va partir en arrière pour repasser devant et de refaire partir en arrière. Ça c'est le problème. Centre de gravité, centre de pression caudal, ça part en avant, je vais rattraper en passant devant. Ça sort. Si le centre de gravedad se va pas là, le centre de pression caudal va avancer pour le rattraper. Le dépasser, à partir du moment où il dépasse, le centre de gravité va partir en arrière. Ça, c'est le centre de gravité, c'est pas par place, quand le centre de pression va marcher bien le centre de gravité. Et donc, dans ces cas-là, il va reculer pour le dépasser de façon à le repartir. Donc, si le centre de pression va être par place, va que le centre de gravité va y aller à l'arrière. D'accord. Donc, c'est ça, en fait, la notion d'attirement. C'est ça. Ok. Donc, maintenant, si je veux enclencher la marche, avec l'extension de mes orteils, ça me permet de faire, ça me permet de faire reculer mon centre. Con la extensión de los dedos permet de hacerme ir para atrás en el centro de presión caudal. D'accord. Donc parce que ça recule, parce qu'il a reculé, mon centre de gravité va partir en avant. Y porque mi centro de presión caudal ha ido para atrás, el centro de gravedad se va a ir hacia adelante. D'accord. Et c'est ce qui crée l'accélération qui va me permettre de marcher. Y lo que hace los que Chloe es lo que crea la aceleración que va a permitir que vayamos andando. D'accord, ça c'est clair. Entonces, maintenant, la différence par rapport la différence à la vitesse de marche, à la velocidad de andar. D'accord, si je veux démarrer doucement, je vais reculer un tout petit peu mon centre de pression caudale. Si quiero empezar lentamente, voy solo a ir con mi pression, mi centro de pression caudale. Un poco hacia atrás. D'accord. Si je veux démarrer plus vite, je vais plus reculer mon centre de pression caudale. Y si quiero ir más rápido, voy a desplazar mucho más hacia atrás mi centro de pression caudale. Va a crear un desequilibrio más grande. Voilà. Le déséquilibre est plus grand, donc ça va plus vite. Entonces, si el desequilibrio es más grande, vamos más rápido. Porque si no caemos así, obviamente tengo que ir más rápido para correr. Donc la marche est vraiment quelque chose de très passif, donc on consomme très peu d'énergie. Donc pourquoi, en fait, on recule le centre de pression caudale? Pourquoi on poniendo le centre de pression caudale hacia atrás? Et on n'avance pas, parce qu'on pourrait dire pourquoi on n'avance pas le centre de gravité pour enclencher la marche. Et pourquoi no ponemos al revés el centro de gravedad hacia adelante para empezar a andar? C'est parce que c'est beaucoup plus facile de mobiliser la masse de 5 orteils. Porque es mucho más fácil movilizar 5 dedos. Que de mobiliser la masse de l'ensemble du corps. Que mobiliza el resto de todo el cuerpo. Ça permet de consommer moins d'énergie. Todo esto para no gastar energía. Consumir menos energía. Voilà, le corps fonctionne toujours en économie. Il faut toujours chercher le fait que el cuerpo funciona siempre con un gasto mínimo de energía. Voilà, pour un même résultat, il choisira toujours le moyen qui est le plus économe au niveau d'énergie. Para el mismo resultado, buscará el medio más económico siempre. Donc l'initialisation de la marche. Initialisation de la marche. Donc là on est sur une plateforme de stabilométrie. Et on voit en fait qu'on a un déplacement de notre centre de pression, notre centre de gravité vers le pied qui va être le pied d'appui. Se ve que tenemos un desplazamiento del centro de gravedad del lado del pie que va a ser el pie. Le pied d'appui. El pie que va a rester au sol. El que va a quedarse en el suelo. Mais parce que ce pied va prendre beaucoup plus de charge. Et parce que ce pied va prendre mucho más carga. Et donc de ce fait, bah, il va y avoir ce qu'on appelle une poussée balisante. Y entonces va a mantener un empuje balisante. D'accord. Et bien il y a en fait une varisation, une inclinaison du pied vers l'extérieur pour compenser. Va mantener un barro del pie hacia el exterior. Para compensar el barco. Pour compenser la poussée balisante. Para compensar el empuje balisante que se va a producir. ¿Entendido? No. No. A mí, de la manera anterior, has dicho que el que iniciaba el desequilibrio era el centro de la edad, ¿o no? No, es el centro de flexión. El centro de flexión. Es celui qui commençait pour marcher, pour déclencher la marche, c'était le centre de gravité. Non, c'est le centre de pression. C'est le centre de pression. Avec les orteils, donc le pied. Pour le gasto de l'énergie, ¿vale? Levanta los dedos, levanta y avanza. Entonces, para revenir, porque yo reviens sur cette diapo. Entonces, ça, le fait qu'on transfère vers le pied d'appui pour marcher. El hecho que transferir del lado del pie de apoyo, eso está claro para todos. ¿Me ha dicho que? Transferimos el centro de gravedad del lado del pie del cual vamos a el pie de apoyo. Se va a quedar en el suelo cuando vamos a empezar a andar. ¿Vale? Donc, parce qu'on est en appui sur un pied, porque estamos en apoyo en un pie, il ne faut pas oublier que la ligne de charge, en fait, elle est en avant et non dedans de la tibia tarsienne. La línea de carga está adelante y por dentro de la tibia tarsiana. D'accord, donc ça veut dire que quand on est sur un pied, en fait, tout le pouce a s'effondré en dedans. Que cuando estamos en un solo pie, todo lo empuja a caerse hacia adentro. D'accord. Donc pour compenser cet effondrement interne, para compensar esta caída interna, il y a une inclinaison externe du pied qui se met en place. El pie automáticamente hace una inclinación hacia afuera para compensar el empuje realizado. Ok. Vale. Toujours pour consommer de l'énergie. Siempre para consumir menos energía. Y pour avoir plus de stabilité. Y para tener más estabilidad. Donc cette musculature intrinsèque au niveau du pied est très importante. Estos músculos intrínsecos del pie es muy importante. C'est vrai que le rôle des muscles interosseux, entre autres, est assez méconnu. Le rôle de los músculos interosseux est desconocido. Mais en fait, tous ces muscles, mal conocido. Tous ces muscles intrinsèques au niveau du pied permettent au pied de se déformer. Todos esos músculos intrínsecos del pie permiten al pie de deformarse. Permite de s'adapter de façon à piloter le centre de pression total. De deformarse y adaptarse de manera a poder pilotar el centro de presión total. D'accord. Donc c'est pour ça que, entre autres, les personnes âgées qui ont une raideur qui s'installe au niveau du pied. Por eso que las personas mayores qui ont une raideur qui s'installe au niveau du pied. Tienen rigidez en el pie. Ils ont un pied beaucoup moins malléable, adaptable. El pie es mucho, adapta mucho menos un pie de un anciano que un pie de alguien más joven por la rigidez que tiene en el pie. Donc ils ont une régulation de ce centre de pression podale qui n'est pas fine. Entonces lo tiene una regulación del centro de presión podal que no es fina. Et donc c'est une des raisons qui est à la cause de la chute chez la personne. Entonces al no tener esa regulación fina, tiene tendencia a caerse más. Donc ça veut dire que vous aussi, ce qui est très important, c'est que vous devez toujours vous assurer que le pied soit mobile. Siempre tenéis vosotros asegurarse que el pie esté móvil. Donc, on dit que le pied soit fonctionnel. Que el pie sea funcional. Et ça, c'est l'intérêt aussi de la thérapie manuelle au niveau du pied. Y eso es el interés de la terapia manual a nivel de pie. D'accord. Quand vous avez un pied qui est dysfonctionnel, qui manque de mouvement, qui est perturbé sur certains mouvements, vous devez le traiter. Cuando un pie le falta movimiento y está con disfunciones, tenéis que tratarlo para volver a tener los movimientos. Et ça, vous avez un signe qui est intéressant en consultation, c'est quand vous allez remettre les semelles. C'est un signe en consulta qui est très intéressant, que quand vous allez entregar les plantillas. Des fois, vous avez des patients qui vont vous dire qu'ils sentent les éléments qui sont très très durs sous le pied. Les patients vont noter que les componentes sont très durs debajo del pied. Les éléments sont très durs debajo del pied. Et dans ces cas-là, quand vous. Alors, c'est souvent sous un seul pied. Y muchas veces eso aparece solo debajo de un pie. Et quand vous voulez faire de la thérapie manuelle sur le pied pour redonner du mouvement à la fonctionnalité. Quand vous allez faire une thérapie manuelle sur ses pieds, il va y avoir mouvement et fonctionnalité. Et qu'à ce moment-là, il réessaye les semaines. Il vient à courir de nouveau les plantillas. Là, la semaine devient plus confortable. Las plantillas ya se vuelven cómodas. Donc là, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Comme la masse des orteils est faible, d'accord, ce sont les premiers à réguler les oscillations posturales. C'est cette notion de. Ben ça se traduit, c'est cette notion de centre de posture. Donc, allez, je reprends un peu aussi. Alors, au niveau de la marche, je pense qu'on a une analyse un petit peu ce qui se passe au niveau du bassin. Quand on va analyser le. Automáticamente se pone en posición de fase. fait ça avec ce dispositif-là, on le retrouve aussi. Donc c'est... Donc là, on est sur un dispositif un petit peu comme tout à l'heure, là, on avait les deux pieds qui marchaient pas sur le tapis. Eso es un dispositivo como vimos al principio en la cinta, que son los dos péndulos. Là, ce sont deux masses qui sont libres. Esos son dos pesos libres. Qui représentent donc le membre supérieur. Representa los miembros superiores. Et donc, à partir du moment où on met ce dispositif sur un tapis en pente, alors le fait, l'avantage de la pente, c'est que ça permet de monter l'inertie en fait, du mouvement de balancier. À partir du moment où on met esos péndulos en funcionamiento en una cinta, pero tiene que ser bajando, en pendiente. D'accord. Donc si on met en marche, on va laisser déambuler et à un moment donné, on va avoir en fait le calage qui va se mettre en place. Y entonces, al cabo de un tiempo, los pesos van a ir moviéndose de nuevo en oposición de fase. D'accord. Et si on fait cette expérience-là au point bonhomme, donc on lui met des bras artificiels. Cogemos un hombre y le ponemos brazos artificiales. D'accord, donc ses bras sont attachés. Et los brazos suyos están atados. D'accord, donc les bras artificiels bougent, le système ça se balance tout seul, en fait, on est balancé. Et los brazos artificiels están libres, podemos balancer. D'accord, et qu'on met en marche, donc ce bonhomme marche. Y le ponemos el hombre a andar. Au bout de quelques pas, en fait, les bras artificiels vont se caler. Comme se caler. Au bout de unos cuantos pasos, los brazos artificiales van a ponerse en posición de fase de juego. D'accord. Que ce soit un dispositif rigide ou un dispositif souple. Que sea un dispositivo rígido o un dispositivo plano. Flexible. D'accord. Donc, ils sont positionnés sur les épaules, en fait. Están posicionados encima de los hombros. Parce que ce qui induit ce mouvement, ce sont les mouvements qu'il y a au niveau de la ceinture scapulaire. Donc, ce qui fait ces mouvements sont les mouvements qu'il y a dans la ceinture scapulaire. Et la ceinture scapulaire, elle, en fait, compense les mouvements que l'on a au niveau de la ceinture pelvienne. Et la ceinture scapulaire va compensando les mouvements que nous avons en la ceinture pelvienne. D'accord. L'intérêt de ça, c'est que ça permet de garder le fixe. El interés de todo esto es que permite que quedamos con la cabeza fija y estar derecho. Donc si après on regarde au niveau énergétique ce qui se passe, si miramos al nivel energético lo que pasa, bah on se rend compte que finalement, donc dans une marche normale, avec les bras qui vont se mettre à balancer en opposition de phase, vemos que cuando en una andar normal con los brazos que se van balanceando en oposición de fase, ce que l'on a écrit. Et maintenant, cette situation-là, c'est la situation où on va consommer le moins d'énergie mais de la marche. Cette situation est la situation où nous consommons moins d'énergie. Parce que le mouvement des bras est totalement passif. Parce que le mouvement des bras est complètement passif. Et il faut bien voir que ces bras, en fait, ça contrebalance aussi. Ça permet de stabiliser l'ensemble. Et les bras permettent de stabiliser le corps. Si on prend le même bonhomme et qu'on lui attache les deux bras, comemos el mismo hombre y le atamos los dos brazos, pero va a ver que va a consumir más energía que si pone los brazos. Va a consumir más energía que si tuviera los brazos libres. Si on le met dans la même situation, on lui demande de garder les bras le long du corps. Si lo ponemos en la misma situación que los brazos atados, pero que se quede con los brazos a lo largo del cuerpo, va a consumir encore plus d'énergie. Va a consumir todavía más energía. Y demanda un esfuerzo de garder los bras le long du corps. C'est ça aussi la logique de la dépense d'énergie. Porque necesitamos esfuerzo para quedarnos con los brazos a lo largo del cuerpo. Y puis, au niveau de l'équipe, vous vous rendez compte que le fait de ne pas avoir le balancier, ça nous demande beaucoup plus de travail musculaire pour se stabiliser. Y al nivel del equilibrio, si no tenemos ese balanceo de los brazos, nos cuesta más mantener el equilibrio mientras andamos. D'accord. Et dans la dernière situation, là, en fait, il va y avoir en fait, des mouvements de bras qui sont plus en opposition de phase, c'est-à-dire qu'il avance le bras avant, mais il cherche le bras. Aquí en l'ultimo caso, no tiene los brazos en opposition de phase, o sea que va avanzando el brazo al mismo tiempo que la pierna. D'accord. Et là, dans cette situation-là, c'est là où on va consommer le plus d'énergie. Et là, on consomme beaucoup d'énergie. Parce qu'en plus, le niveau d'équilibre, ça, c'est très déstabilisant. Et à niveau d'équilibre, ça, c'est très déstabilisant. D'accord. Donc, le mouvement passif des bras lors de la marche permet d'économiser l'énergie. movimiento pasivo de los brazos durante la marcha, ¿sí? Durante la marcha, produce una economía de energía. Donc la stabilisation de la tête est très importante. Stabiliser la tête, c'est très important. D'accord. Faites l'expérience un jour, vous marchez dans la rue, vous inclinez la tête sur le côté. Hacer el experimento un día, cuando voy andando a la calle, poner la cabeza en el de lateral. Et vous continuez à marcher. Y seguir andando. Et bien là, vous allez vous rendre compte que vous tournez. Vous ne pouvez pas marcher droit. Yo me doy cuenta que no podéis andar derecho. Vaya a ir rotando hacia abajo. Faites la même expérience, marcher en agitant la tête comme ça dans tous les sens. Hacer el mismo experimento, pero agitando la cabeza a todo lado. Et là, vous allez marcher comme ça. Y vaya a ir. Donc c'est très important d'avoir la tête et le regard stable. Vous voyez qu'on voit sur cette séquence une espèce de singe qui chante sous une branche à l'autre. Ahí vemos a un mono que va saltando de una rama a otra. Voilà, regardez, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que la tête ne bouge pas. Et le regard reste toujours au même endroit. Lo que se ve muy característico ahí es que la cabeza no se mueve y la mirada tampoco. Mais par contre, donc, la stabilisation du regard, à la fois la résultante de la posture et le moyen essentiel du contrôle postural. C'est ça en fait aussi le problème du regard, c'est que le regard va permettre de vous stabiliser. Et la mirada va permettre de se stabiliser. D'accord, mais le regard ne peut être stable, donc stabiliser et améliorer des postures. La mirada puede estar estable y mejorar la postura. Mais par contre, le regard ne peut être stable que si la posture est bonne. Pero la mirada puede ser estable solo si la postura es buena. D'accord, donc on est dans un cercle vicieux qui se mord la tête. Un círculo vicioso. Vale. El serpiente que se mueve la cola. Dicho por. Donc, bah, par chance, au niveau de la tête, on a énormément de capteurs. Que por suerte, a nivel de la cabeza, tenemos un montón de capteurs. Qui vont nous permettre de stabiliser la tête. Ce qui va permettre de stabiliser la cabeza. Donc, pour stabiliser la tête, on va utiliser le regard. Pour stabiliser la cabeza, on va usar la mirada. On va utiliser aussi les informations qui sont données par le réseau interne. Et también las informaciones que nos va mandar el oído interno. On va utiliser des informations proprioceptiques qui sont envoyées par le muscle du cou, entre autres. Vamos a usar las informaciones proprioceptivas que va andar el músculo del cuello. D'accord. Et puis on a aussi des informations qui sont transmises par la tête. Y también las informaciones que están transmitidas por la articulación temporal mandibular. D'accord. Donc toutes ces données vont être analysées et vont permettre de stabiliser la tête. Todos esos datos van a ser analizados y van a permitir estabilizar la cabeza. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle se comporte comme une plateforme inertielle. Por eso se dice que se comporta, que la cabeza se comporta como una plataforma inercial. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive à rester stable malgré les perturbations qui peuvent y avoir autour. Es algo que sigue siendo estable aunque haya mucha perturbación alrededor. Ok, là on finit pour la théorie, maintenant on va tout seulement la pratique. Ahora hemos terminado la teoría y ya vamos a empezar con la práctica. Donc, au niveau des chaînes croisées, on en a deux, comme les chaînes croisées. A nivel de la cadena cruzada, tenemos dos, como la cadena de cruz. D'accord. Alors, le nom de la chaîne est toujours donné en fonction du type dysfonctionnel. El nombre de la cadena siempre está dado respecto al pie que está disfuncional. Donc pour la chaîne directe, c'est simple parce que c'est du même côté. Pour la cadena recta, c'est sencilla parce que siempre es del mismo lado, el mismo pie et arriba igual. Voilà, mais pour la chaîne croisée, vous pouvez des fois vous mélanger. Là, on est sur une chaîne croisée gauche. Aquí, en este caso, hay que tener cuidado porque lo podéis mezclar, pero aquí, en este caso, estamos en una cadena cruzada izquierda. Porque el pie, el problema está en el pie izquierdo. D'accord, donc on en a deux, une droite, une gauche. Tenemos dos, una derecha, una izquierda. Donc au niveau céphalique, on va avoir deux muscles qui vont être incriminés. círculo en esa cadena de cristales. Vamos a dar un uso de la tête. El esplenio de la cabeza. C'est celui-là qu'on va venir tester. Et celle qui va vraiment venir tester. On va tester en traction, comme ce qu'on fait avec le semi-épineux. Testant en traction, comme le semi-épineux. Et puis il y a aussi l'élévateur de l'omoplate. Et c'est l'élévateur de l'omoplate. D'accord. Lui, il va vous donner toutes les indications visuelles, en fait. Este va a dar más indicaciones visuales. Mais on va pas venir le tester. Pero no lo vamos a testar. Ahí tenemos una vista de lateral. Bon, le splenius de la tête. Donc, il a son origine moitié inférieure du canal buccal avec l'emploi des expansions sur les processus épineux de la septième cervicale à la quatrième thoracique. Donc, il va de C7 à D4. Entonces, aquí tenemos el origen a la mitad inférieure del canal buccal. D'accord, il va envoyer une expansion sur le processus mastoïde. Il va mandar une extension sur le processus mastoïde. Mastoïde. Donc là, vous allez vous taper le mastoïde. Processus mastoïde. Et là, il y a pas le papos et le processus mastoïde. Donc il y a des ici sur le côté. En el lateral. Vous voyez, c'est la bosse que vous avez là. Juste derrière, c'est le bulto que vous avez juste ahí detrás. Donc c'est ici qu'on va venir tester le splenius. C'est ici que vamos a venir hacer el testing del splenius. Alors le splenius, il a un rôle dans les inclinaisons de tête et la rotation. El splenius tiene un rôle en las inclinaciones de cabeza y las rotaciones. Et là, on a un chat chez lequel on a détruit de la teinte, donc on a détruit l'oreille inférieure. Donde hemos destruido el laberinto, o sea que hemos destruido el oído interno a la izquierda. D'accord, dans ces cas-là, lorsqu'on a un labyrinthe qui est détruit, en fait, la tête va s'incliner du côté du labyrinthe qui est détruit. Cuando tenemos un laberinto destruido, la cabeza se va a inclinar del lado del laberinto destruido. El esplenus va a intervenir en esa inclinación de cabeza. Et donc, il y a le deuxième muscle qui est ondulaire de l'omoplate, l'élévateur de la scapula. L'élévateur de la scapula, de l'omoplate, d'accord. D'accord, donc il prend son attache au niveau des apophyses transverses de C1 et C4. Et donc, c'est la apophyse transverse de C1 à C4. Et il va se terminer sur l'angle supéro-interne de la scapula. Qui termine de l'angle supéro-interne de l'omoplate. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tracter. La cadena directa. Donc ça veut dire que quand vous allez tester le semi-épineux, vous allez être avec les jambes en cuando se va testando el semiespinoso, tenemos que tener los antebrazos pegados. D'accord, vous pouvez prendre la chine entre les niveaux de l'occiput. Vamos a apoyo al nivel de l'occiput. Et vous allez tracter en fait. Vamos a ir tirando. Dans le sens du muscle. En tractant le muscle. Parce que vraiment le muscle est très central et il est orienté d'accord, de bas en haut. De ce niveau. Porque el músculo es muy central y orientado de arriba a abajo. D'accord, donc pour bien tester, il faut le tracter dans le sens du mouvement. Parce que passer un test nouveau, nous devons le tracter dans le sens de la fibras. Donc, pour le semi-épineux, mon chien dit que vous êtes avant bras collé. Pour le semi-épineux, nous devons les antebras pegados. Pour tester la chaîne croisée, le spinus, vous voyez, il est déjà de large. Voilà. Pour tester le spinus, la galère de la vous savez, vers semi-épineux, je suis comme ça, splénus, je vais écarter mes bras. Semi-épineux, c'est ainsi, splénus, c'est ainsi. J'écarte mes pieds. Au niveau de ma pointe, au niveau de ma pointe, je place quelque chose de central et quelque chose de latéral, puisque je suis bien sur les prenez-moi la main par la sède de la carte, pour déplacer mon assiette au latéral. D'accord. Et je vais tracter comme ça. Il va me tracter à chaque fois. Dans le sens des fibres, en pied. Siempre en el sentido de las fibras. En oblique. D'accord, donc ça veut dire que déjà la position même de vos avant-bras au début du testing, que la position de sus antebrazos quand on va y faire le testing, va être garant en fait du mouvement que vous allez ensuite faire pour venir tester le mouvement. La qualité de la qualité du mouvement. Et lo que va a dar calidad, pues, te va a dar calidad, pues, como movimiento para hacer el testing. ¿Vale? Un como ponéis los. Los antepasos ya está dando calidad a su testigo. Porque si hace un testigo, que lo no vaya a tener así, no vaya a tener. Alors, les muscles qui sont inclinés au niveau caudal, ce sont les fibulaires. Los músculos al nivel caudal de la escalera cruzada son los peronos. Dans les fibulaires, eux, ils sont garants de la stabilité latérale. Los peronos son, son lo que permiten la estabilidad lateral. Donc, le cours fibulaire va se terminer sur la styloïde du cinquième état partiel. El peroneo corto se va a terminar en la styloïde del quinto état partiel. D'accord, et le long fibulaire il va passer en dessous. Et el arco va a pasar por debajo. Et va venir se terminer au niveau de la base du premier état partiel. Va venir a terminarse a nivel de la base del primer état partiel. D'accord, en envoyant une extension sur le cuneiforme. Y va dando una extensión en el cuneiforme. D'accord, donc on voit l'origine du cours fibulaire, les deux tiers de la face externe de la fibula. L'origine du peroneo, du corto, sont les deux tiers inférieurs, les deux tiers de la face latérale de la fibula. D'accord, ils s'attachent aussi sur la membrane que reçoit. La membrane interosseuse. También se inserta la membrane interosseuse. Et lui, il va avoir comme rôle donc, une action d'éversion et de flexion plantaire. Il va tenir une action d'éversion et de flexion plantaire. Innervé par le fibulaire superficiel. Extension plantaire. Là, maintenant, c'est extension. Donc, ces flexions plantaires sont pareilles. Donc, c'est ce qui fait cette manière. Extension ou extension. Donc, c'est une flexion plantaire, on va faire extension. Et le long fibulaire, il va s'attacher plus haut. Mais le peroneo largo, ça va être certain massage. Donc il se termine sur le cuneiforme médial et sur la base du premier état. Il se termine avec le cuneiforme médial et la base du premier état partiel. Et au niveau de l'action, il va avoir la même action que le cours fibulaire. L'action est la même action. C'est un extenseur, je pense. Est-ce un extenseur qui vous dit que le peroneo est le porte au peroneo? Donc ça veut dire que maintenant, si on regarde la chaîne croisée à ses extrémités, il y a la cadena cruzada à ses extrémités, d'accord, on a Au niveau de la tête, on a le sphénus de la tête. À nivel de la cabeza, tenemos el esplendor de la cabeza. D'accord, et l'angulaire de l'omoplate. Y el elevador de la escápula. D'accord. Et au niveau caudal, on a le court et l'onfilaire. Et à nivel caudal, tenemos el peroneo corto y el peroneo largo. Bon, pour investiguer la chaîne, c'est exactement pareil que la chaîne vient. Para investigar la, la cadera cruzada es exactamente igual que con la cadera directa. Claro, sabes que el test que va a analizar será el esquiador. Así que vamos a hacer un test del esquiador para llegar a eso. Donc ça veut dire que vous maintenant quand vous faites un skieur, vosotros ahora cuando hacéis un esquiador, si vous avez un skieur qui est asymétrique. Vous allez tester est-ce que j'ai une chaîne directe ou est-ce que j'ai une chaîne croisée. Vous allez chercher les deux. Le skieur vous dit qu'il y a une chaîne neuromusculaire, mais il ne vous dit pas si c'est une chaîne croisée ou une chaîne directe. El skieur dit s'il y a une sospecha, mais on ne dit pas quel hay. Vous pouvez avoir soit une chaîne neuromusculaire, soit deux. Vous pouvez avoir ou une cadena neuromusculaire, ou deux. D'accord. Si vous en avez plus de deux, c'est que le patient n'est pas localisé. Si vous avez plus de deux cadenas neuromusculaires, est-ce que le patient n'est pas localisé? Miramos la resistencia de los peroneos, a ver si si hay una hipertonía de un lado o no. Pero si vas en contra de el paciente tiene que hacer contra la resistencia. Bueno, si le patient va faire des contre-résistances, non, pas du tout. Tout à l'heure, quand tu testais le SOR, c'est une pression dans ça au niveau du pied, le patient, il se laissait faire. Voilà, si un testing de SOR, voici, on a flexion dans ça, on a flexion qui est sur le pied, après ça, on va savoir quel que lado est la hypertonie, quoi. Pour aller, est-ce qu'il y a le testing de los problèmes. Moins de supination au niveau du pied gauche et moins d'extensibilité au niveau du sphénus droit. menos supinación al nivel del pie izquierdo y menos extensibilidad al nivel del esplenius derecho. Sí. Y eso es el chien neuromuscular croisé gauche. Y eso es una cadena neuromuscular cruzada izquierda. D'accord, c'est le pied. On est les podologues, on se préoccupe du pied, donc c'est le pied qui donne le nom de la chaîne. Somos podologues, nos preocupamos por el pied, así que c'est le pied qui nous el lado de la cadena. C'est un moyen de retenir. C'est une manière de retenir. Pareil, on va mettre un EAI. Comme la cadena directa, on va donner un élément. et le EI, il s'arrête. C'est juste là où vous allez vous envoler. Le EI, il va être du côté et de la dysfonction céphalique. Et ici, où il n'y a pas à s'équivocer, parce que le EI, ici, on va devoir le mettre du côté de la dysfonction céphalique. C'est-à-dire que sur une chaîne croisée gauche, así que en una cadena muscular cruzada izquierda, a départ céphalique, con principio céphalico, on va mettre un EI sous pied droit. Vamos a poner un EI bajo, debajo del pie derecho. Parce que c'est le splenus à droite qui est dysfonctionnel. Porque es el splenio derecho que está disfuncional. No, no, todo lo contrario. Igual que la directa. Esta la cadena directa, cuando era a nivel cefálico, se ponía en el lado de la disfunción. Sí, la cabeza. C'est exactement ça, sauf que sur la chaîne directe, la dysfonction au niveau céphalique est du même côté que le long de la chaîne, c'est-à-dire une chaîne directe droite, une dysfonction céphalique droite. Solo que la cadena directa, lo ponemos en el lado de la. Si tiene una cadena directa derecha, pone del lado derecho el. Allá la derecha. No, no, no. No, no, tenemos un ejemplo que dice exactamente lo mismo, solo que el nombre cambia. ¿Vale? Es una cadena directa derecha, entonces pone en el pie derecho. Voilà, ici c'est une chaîne croisée gauche à départ céphalique. Ici es una cadena cruzada izquierda, con principio céphalico. L'élément va être sous pied droit. ¿Vale? El elemento va debajo del pie derecho. Sí, sí, sí. Y aquí es igual. Es solo el nombre, eso es el. Cuando va definiendo la cadena muscular, cuando dice derecha o izquierda, es solo eso que te va a engañar. O si tiene una disfunción aquí en lo alto, es del lado de la disfunción. ¿Vale? Es el nombre de lo que te engaña. Cadena izquierda. Pie derecho. Cadena que fue directa izquierda. Vale. Cuando se va a hacer el testing de EI en barro presión. Et que vous allez retester le splenus, vous devez plus avoir un niveau d'extensibilité. Et que vous allez faire un test pour le splenus. Oui, nous avons un splenus sans sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir un poète et la sensibilité. Et quand vous mettez votre patient debout avec l'élément sous le pied, c'est quand nous prenons le patient, l'élément de bas sur le pied, vous devez avoir une ligne de vos plates. Tenemos que tener la espina de la escápula que ya se ha bajado. Porque el elevador de la escápula se ha bajado. Porque el elevador de la escápula se ha bajado. No puedes una barra anterior. Bueno, una barra anterior de dos. Quiero para tomarte el pelo. Es que me dibujo ponía más menos tres. Faites à trois pour l'instant, vous avez beaucoup de temps. Hacerlo en ce moment, il dit que fonctionne ainsi. Surtout qu'en plus, vous allez avoir des outils de votre famille. Vous voyez, il y a des outils qui sont néoclonisables. Et vous allez vous rendre compte que ça marche très bien. Parce que quand vous faites trois, on ne peut pas. Il y a certaines lignes qui ne sont pas. de discuter avec l'élément des parties optimales qui est sur la hauteur de la spousse à l'heure. Non, non, c'est pas ça, c'est-à-dire que dans 90% des cas, on va être sur 1 mm. Après, il y a toujours des petits. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre des petits éléments de travail sous. Je bourre. ¿Vale? En el 90% de los casos va a estar perfecto. Pero luego, si tú ves que no recupera donde estás, después puedes ir jugando un poco con las alturas. Pero en el 90% de los casos, te va a funcionar. Seguro que a mí me viene el 10%. Siempre tenéis la posibilidad de testar los elementos y la altura. Si hay espina de conducción y esto, entra 3. Si tiene una barra de 2 milímetros, pues 1 milímetro más para llegar a 3. Ok, si tu fois la flexión de joue libera, tiene que ser de 3. Si la flexión de las rodillas va liberando a ese. Dans ces cas-là, il y a les sujets qui sont une cadena cruzada à principio inférieur. Et là, dans ces cas-là, vous savez faire des compressions. En ce cas, nous revenons à les compressions. Et dans l'autre cas, non. Même si on va se travailler, plus ou moins 3. Con las cadenas. Si tu vois le départ, au niveau du bilan, ça fait 3. Si le principe de la dysfonction est à nivel des pieds, on sera vraiment sur un poil. Et si c'est genou ou hanche, on va se faire un premier mot sur le. Et si elle soit dit, il y a en cadena, pour tenir votre problème, on est le même chose. Est-ce que ça fait une notion d'interrogation que vous avez bien comprise? Essas notions d'interrelationnés, vous l'avez dit depuis le domaine, vous pouvez dire. La siguiente relación lo habéis entendido bien. Sí. ¿Sí? Voilà, comme je le répète ce matin, et donc la motivation de pousser en fait sur les grosses antennes. y vamos a pedirle al paciente que vaya empujando con su dedo gordo contra nuestra mano. Donc on bloque le mouvement et quand on lâche, le fait de lâcher, en fait, il va faire un mouvement d'éversion. Bloqueamos el movimiento y cuando vamos a soltar, va a ser un movimiento de éversion. Donc c'est ça qui va sidérer le muscle. Y eso es lo que va a sidérer le muscle. Donc la façon de vérifier la lâche externe, on va récupérer. Y luego cuando vamos a comprobar la... Pero yo veo que volvemos a tener ese movimiento de manera. Y acá, si venir avant-traitement, se retrouve con un pie que perturbe el nivel de la circulación. Antes del tratamiento, estamos con un pie, estamos con el suelo a nivel de la disfuncional, a nivel de la circulación. Tenemos un esplén disfuncional. Y après el traitement, on va avoir una circulación équilibrée. Y después del tratamiento tenemos, estamos equilibrados en nuestros pies y hipoextensibilidad en el esplén. Y no tenemos hipoextensibilidad al nivel del esplén. Y entonces, no olvidar, siempre la remediación. Siempre, nunca olvidar la remediación. Y el parasitaje podal. Y los parásitos podales. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces chaînes 3D? Alguna pregunta particular? Sí, je suis en train de me dire, ¿qué es la madera? Ah, la madera, me imagino. Que me mareo. Es el resbalamiento del palo polar. Del músculo, del peroneo. No, es verdad, es el músculo. Es el general. ¿Dice para todos los músculos? En general, ¿qué es lo que notamos? El movimiento de la fascia, del músculo, de los fluidos. ¿Qué es lo que tú notas? El movimiento del fascial, del músculo, del fluido. ¿Es que eso representa eso? No, no. Aparentemente, lo que ressent las estudios es que estamos en un movimiento celular. Los estudios dicen que es un movimiento celular. C'est-à-dire que même au niveau même de la cellule, en fait, on a des phénomènes de gonflement et de relâchement. Et à nivel de la cellule, nous avons un phénomène de. Maintenant, ce que décrivent en fait les ostéos, c'est qu'il est exactement la respiration cellulaire. Il y a des ostéopathes qui décrivent ça comme la respiration cellulaire. Donc après, on part du principe que si on n'a pas de tension en fait, au niveau des tissus, si nous n'avons aucune tension au niveau des tissus, ça permet en fait de sentir ce mouvement de glissement qu'il y a au niveau de la cellule. Ça permet de sentir ce mouvement. D'accord, il y a une espèce de fluidité en fait. C'est pour ça que le test qu'on a fait ce matin, on vient tester le glissement sur l'avant-bras. Le fait de contracter les muscles et de mettre de la tension en fait en dessous, ça perturbe le mouvement du corps de santé. Cette manière, on a fait le test, on a mis la main ici pour sentir ce mouvement, et quand on met la tension contre les muscles, ya perdons ce mouvement. Vale? Mais lorsque tu viens tester en fait tes loges, que ce soit le solaire comme on l'a fait ce matin ou la loge externe, tu viens voir est-ce qu'au niveau musculaire, il y a un état de tension qui limite en fait ma perception de ce mouvement de santé. Cuando va haciendo los testing al solero o al peroneo, lo que viene a hacer es ver si no hay una cierta. Sí, pero si está el músculo. Si el músculo es hipertónico, ya perdemos ese movimiento, ¿vale? Porque bueno, si es una respiración celular, la célula celular no puede respirar. Entonces pierde ese movimiento. O sea que el músculo está hipertónico y hay un bloqueo. Sí, sí, sí, lo entiendo, ¿eh? Pero es como, tengo que creérmelo. Como no hay... Como la fe, es como la fe. Es que hay cosas como son. Es algo que va a notar, de toda forma, lo va a sentir. Au niveau... Au niveau palpatoire, on va travailler en palpation, on va leur apprendre à sentir les glissements et à sentir les gonflements aussi. Cuando va a estar en palpación, vamos a enseñar a hacer la, los palpamientos. Deslizamiento, los deslizamientos, y también va a notar que hay algunas veces que se va hinchando. Eso también se va a enseñar. Es un hinchamiento, ¿vale? Deslizamiento y también a veces hay hinchamiento. Y eso lo vaya notando practicando. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on va apprendre à sentir, on va apprendre à sentir l'élasticité ou la va à sentir también esto y vamos también a sentir la elasticidad y también a nivel del cráneo. ¿Vale? Et ça c'est des choses effectivement qu'on sent pour l'instant en esprit d'une certaine façon. Et son cosa que vamos sintiendo ahora se explica de una cierta manera. Toujours est-il qu'il n'y a aucune raison qui est dérangée sur ce niveau cellulaire. Il n'y a aucune raison qu'il existe des mouvements au niveau cellulaire s'il n'existe pas de mouvement au niveau tissulaire. Si hay movimiento a nivel celular, no hay razones para que no lo haya a nivel de los tejidos. ¿Vale? Si mueve la célula, pues los demás también tienen que mover. Pero no tendría nada que ver con el movimiento respiratorio primario que se habla en este partido. Además, si se da cuenta con el movimiento respiratorio primario, ¿cómo se hace eso? Ah, ce mouvement qui sont. Alors, c'est comme ça, lui, qui vous décrit. Bon, je ne suis pas un spécialiste dans ce mouvement, mais toujours est-il que. Il faut se rendre compte que sous la main, il y a énormément de choses qu'on arrive à sentir et qui bougent. Et que c'est vrai que dans un premier temps, on a tendance à ne pas se faire confiance parce que se dire que ce n'est pas possible. Et le barbe de la main, nous avons beaucoup de choses. Vous pouvez sentir beaucoup de choses avec la main. Lo que pasa que al principio. No vais a ver mucho porque hay que entrenar y no lo vais a sentir. Entonces hay que hacerse, hay que confiar en sí mismo para poder sentir eso. Et on se rend compte avec l'expérience et par rapport à la pratique que si on se base en fait sur notre perception manuelle. Et cuando con la experiencia y la práctica, cuando nos basamos en nuestras percepciones manuales, si on tient compte de tous ces mouvements de glissement et de gonflement, si vamos haciendo la cosa respecto a esos movimientos de. Deslizamiento y hinchamiento. On arrive en fait à faire des examens qui sont très pointus. Llegamos a hacer exploraciones muy agudas. On arrive à trouver des zones qui sont vraiment dysfonctionnelles au niveau tissulaire. Llegamos a encontrar zonas disfuncionales a nivel de los tejidos. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on vient les traiter sans manipulation, cuando venimos a tratar pacientes sin manipulaciones. Avec les traitements neurosensoriels qui vont apprendre. Con los tratamientos neurosensoriales que vamos a ver más tarde. Il y a une action qui est très importante en fonction sur la douleur. Tenemos una acción muy importante sobre el dolor. C'est-à-dire qu'en tenant compte de ces glissements tissulaires, par exemple au niveau du talon, on peut enlever une douleur qui est toute chaîne. Cuando tenemos en cuenta esos deslizamientos a nivel del talón. A nivel del talón. Podemos dar, por ejemplo, quitar un dolor de bronca acá. ¿Por qué? Porque en el equipo calcáneo, vous avez une grande parte de la douleur qui est due en fait au nerf. Porque en el espolón calcáneo hay gran parte del dolor que está producida por el nervio. Et quand vous avez une perturbation au niveau du nerf, vous avez une perturbation au niveau du nerf. Si tenemos una perturbación a nivel del nervio, tenemos una perturbación a nivel tissulaire. Tissulaire. C'est vrai que vous n'avez plus de glissement, on teste au niveau de la zone qui est innervée. Estamos testando la zona que tiene como innervación ese nervio, y ya si hay falta de deslizamiento, ya podemos ir tratando esa zona. Et jusqu'à présent, vous, qu'est-ce que vous faites chez un patient qui vient vous voir avec une douleur type brûlure au niveau du talon? Vosotros, ¿qué hacéis cuando tenéis un paciente que viene con un dolor tipo quemadura a nivel del talón? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec non, t'as l'air. Ou alors, question, qu'est-ce que la médecine propose pour un patient qui a des douleurs, des brûlures, des décharges électriques en talon? Que proponen los médicos cuando un paciente tiene dolores tipo quemadura, décharge y descarga eléctrica a nivel del talón? ¿Qué? Par contre, si vous faites un testing sensoriel et que vous venez traiter au bon endroit sur la maison nerveuse, vous enlevez la couleur. Quand vous allez faire un testing sensoriel en el pie y que vais tratando la zona a nivel de la terminación nerviosa, ya vais a quitar el dolor. Et là, pour faire ça, vous faites juste une saturation. Et si pour faire esto, solo se hace una saturación. Et une saturation au bon endroit, ça devrait être le problème. Une saturation, si tu veux, arrive le problème. Et pour trouver le bon endroit, bah, il faut être sur de la palpation sensorielle. Si vous encontrez un bon sitio, estamos con palpación sensorial. Donc après on peut dire oui, le glissement, j'arrive pas à comprendre, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Luego podemos decir sí, el deslizamiento, no entiendo por qué, no sé si se desliza o no, pero no lo noto. Mais par contre quand on se base sur ça et qu'on fait confiance à ce qu'on ressent, cuando nos basamos en esto y confiamos en lo que sentimos, et ben on est meilleur ce type de douleur. Podemos amar esos tipos de dolor. Et on est pratiquement les seuls à le faire. Así, somos casi lo único en hacerlo. Una pregunta. En el caso de un colon, tú dabas mi estrella a los cursos dinámicos y me daba sistemática generalizada. Entonces, tenía que disculpar y al menos pedir. Por la vez que me da la cara de generalizar. Elle a fait une façon de faire la vie. Et elle lui a fait la justice du père et au mois prochain. Elle arrive. C'est bon, maître aussi. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, ils n'ont pas encore assez d'outils thérapeutiques, mais ça va venir. Vous avez bastante. Thank you. práctica. Así que está la Londres para los que les gusta. Hace falta un paciente. Venga,